Donc toi, tu continues à travailler à la ferme, on en est là, Ouais. et paf, Jean, il prend un métier. Un métier sans savoir qu'est-ce qu'il faisait. Ça, c'est quelque chose, hein. Je ne sais pas comment, il a même réussi. Se lancer dans l'aventure comme ça? Dans l'aventure, comme ça. Il achète un camion chez, un petit camion chez, comment il s'appelait celui-là, Guyader, hein. Et puis voilà. Heureusement que mon père connaissait un peu en mécanique, parce que, tu sais, il avait acheté un vieux, bien sûr. Un vieux, et puis il restait toujours en panne. Heureusement, mon père connaissait un peu la mécanique, là. Voilà. Donc, et il commence à aller dans les fermes et puis Donc, voilà, il allait au départ, il allait dans les marchés. Dans ce moment-là, tu sais, Ah, il y avait les c'est marchés, en voir quoi presque tous consiste. les. Tu prenais le calendrier, telle et telle date, il y avait les marchés là, marché ceci, Voilà. il faisait ça. Voilà. Ou après, là, il a commencé, oui, à acheter dans. Quand il allait dans les fermes, là, il allait sur l'hôtel, Didier, tout ça, là. Plébin, ça, c'était la clientèle. Ouais, parce Ouais. que il. Ça consistait en Ou quoi quoi? exactement alors? Comment Hein? est-ce que. Oui, ça consistait en quoi ce qu'il avait choisi comme orientation? Il achetait des Des cochons. cochons pour les revendre. Oui, d'accord. Il les revendait à des fermiers? Dans les Certains, fermes ou oui, dans. certains Oui? des fermiers, mais Ou dans après, les boucheries peut-être? non Non? plus, non, Non. c'était pas des. C'était des petits, hein, Ah oui. D'accord. On avait des. Comment je dirais. Ben, il avait fait connaissance, quoi. Il y avait des gens du Maine-et-Loire, de la Vendée, là, qui venaient prendre des cochons ici. On faisait des chargements, 50, 60 petits porcelets, comme ça. Mais vous avez construit alors? Vous aviez Ben construit oui, tu sais, j'avais. des En plus de ça, porcheries? moi, j'avais des porcheries. Ah donc toi, t'as. Moi, j'avais fait des porcheries. La Ah. première que j'ai faite, elle était faite en 70. Ah oui, t'as choisi. Oui, ben T'avais j'étais choisi petit ça patelin, aussi? et j'avais 6-7 emports à l'engrais, quoi. Ah, tu t'es lancé aussi alors? Ben oui, obligé. Ah, très Ouais. bien. C'était plus la petite ferme. Non, non, c'est du hors-sol que. Tu t'es lancé dans le hors-sol Oui. et tu as choisi les porcs. C'était obligé, puisque j'en faisais des cochons, tu Oui, comprends? oui. Mais plus de vaches alors. Ah non. Non. Après, non, non, non, il n'y a pas eu D'accord. plus de vaches.